Bonjour amis et fidèles de Radio Isanganiro, bienvenue à ce journal que nous ouvrons par les grands titres. Le prix du ticket de transport vers l'intérieur du pays a été revu à la hausse par certains transporteurs. Pourtant, le ministère du Transport a menacé de sanctions ceux qui ne respectent pas les prix qu'il a fixés. Et certains parents d'élèves de la ville de Gitega s'indignent du non-respect de certains directeurs des écoles et de la mesure qui supprime les frais d'inscription. Et le culte religieux a été suspendu à l'église de Mugara, Uepebu, en commune et province Rumonge, à l'origine un conflit de leadership entre deux groupes de fidèles de cette église. La mise en onde est assurée par Audrine Ndaikeje. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page sécurité pour ouvrir ce journal. Deux personnes sont mortes et deux autres blessées ce samedi dans des circonstances différentes dans les communes de Mugamba et Matana en province de Ururi. La première est une femme de Mugamba battue à mort par son voisin pour un conflit foncier. Le présumé auteur de ce meurtre a été arrêté par la police. Selon les informations policières, la police qui informe aussi qu'une autre personne est morte cognée par un véhicule à Mugamba et deux blessés dans les mêmes circonstances, cette fois-ci en commune et Matana. Page éducation, certains parents de la ville de Gitega s'indignent contre le comportement de certains directeurs d'école et qui leur demandent de l'argent pour donner place à leurs enfants. Ces parents disent que c'est incompréhensible du moment que la ministre de l'Éducation l'avait interdit. Certains directeurs indiquent que c'est pour l'achat des bons pupitres et autres matériels, étant donné que les écoles comptent sur leurs propres moyens. Arthur Kavabouchi. Cette somme d'argent que ses parents disent donner est de 20 000 francs bourg à payer avant la prochaine rentrée scolaire. Certains parents de la ville de Gitega s'indignent contre ces directeurs qui sont en train de leur demander cet argent au moment où il y a une ordonnance du ministre interdisant cette pratique. Ces parents indiquent que tout cela est en train de leur arriver au moment où la nouvelle année scolaire commence ce lundi et demandent aux personnes habilitées de suspendre cette mesure. Certains directeurs d'école contactés font savoir que l'argent dont ils collectent est destiné à l'achat des bancs pupitres, étant donné l'effectif grandissant d'élèves et que les bancs pupitres donnés par l'État ne sont pas suffisants. Autre chose signalée par ces directeurs est l'autonomie de gestion des écoles dans l'achat du matériel de l'école, ce qui fait qu'ils font payer cet argent pour pouvoir acheter tout ce matériel, surtout les manuels des enseignants et le matériel de bureau. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci à toi, Arthur. Restons toujours à Gitega, où les commerçants permanents des cahiers du marché central de Gitega grognent, disant qu'ils auront des difficultés de payer les taxes communales et les impôts de l'Office burundais des recettes, OBR. Cause, des commerçants temporaires des cahiers sont venus les concurrencer en vendant des cahiers aux entrées du marché aux axes les plus fréquentés à l'intérieur de ce marché. Ainsi, ils n'ont plus de clientèle. Le commissaire du marché de Gitega promet d'éviter cette situation dans l'avenir. Gérard Nibikir. Les commerçants permanents des cahiers du marché central de Gitega font savoir qu'ils avaient l'habitude de vendre plusieurs cahiers et en tirer grand profit à l'approche de la rentrée scolaire. Néanmoins, ils soulignent que les choses ont changé cette année suite aux commerçants temporaires des cahiers qui sont venus les concurrencer. Ils ont installé des tables portant des cahiers à vendre à toutes les entrées du marché et au bord des axes les plus fréquentés situés à l'intérieur du marché. Les commerçants permanents des cahiers précisent qu'ils ont mal accueilli l'arrivée de ces commerçants temporaires des cahiers à tel point que certains parmi eux disent qu'ils ont dû abandonner le commerce des cahiers. Conséquence, ajoutent-ils, ils auront des difficultés de payer les taxes communales et les impôts à l'Office burundais des recettes et OBR. Ils révèlent qu'ils regrettent le fait qu'ils ont fait recours aux représentants des commerçants du marché central de Gitega, mais en vain. De son côté, le représentant des commerçants de son marché déclare qu'il a exposé ce cas à temps, mais que le remplacement du commissaire du marché en a été un obstacle. Le nouveau commissaire du marché a trouvé ses commerçants temporaires des cahiers déjà bien installés. Le nouveau commissaire du marché central de Gitega promet néanmoins d'éviter la reproduction de ce cas l'année prochaine. C'est au moment où ces commerçants temporaires des cahiers, constitués par des chômeurs et élèves, affirment qu'ils sont à la recherche de l'argent et qu'après la rentrée scolaire, ils ne retourneront pas à ce marché. Depuis Gitega, Jean-Yves Guilla pour la radio Sangani. De Gitega, rendons-nous à Boubanza au moment où la rentrée scolaire 2018-2019 est déjà fixée pour ce lundi. Le directeur provincial de l'enseignement à Boubanza recommande aux différents directeurs d'école à internat à respecter le nombre d'élèves envoyés par le ministère. C'est au moment où la rentrée scolaire 2018-2019 est déjà fixé pour ce lundi, comme je venais de l'indiquer. Cela, c'est dans le but de ne pas dépasser la capacité d'accueil dans les dortoirs et dans les salles de classe. Space Caritas Cavagnana. La capacité d'accueil dans les écoles à régime d'internat sont souvent largement dépassées en province de Boubanza, ce qui fait que les élèves vivent dans des dortoirs dans des conditions défavorables, de même que dans les salles de classe, comme le dit le directeur provincial de l'enseignement dans cette province. C'est dans ce cadre que Philibert Habonimana, directeur provincial de l'enseignement à Boubanza, recommande au directeur à ne pas dépasser le nombre d'élèves envoyés par le ministère. Effectivement, il y a un effectif élevé dans les écoles à régime d'internat. L'appel est unique. Les directeurs doivent impérativement respecter les effectifs envoyés par les commissions ad hoc. Il faut respecter les effectifs envoyés et ne pas passer outre, sinon pour que les élèves suivent et normalement les cours dans toute tranquillité. Selon le rapport disponible à la direction provinciale de l'enseignement, la capacité d'accueil était largement dépassée l'année passée dans certaines écoles à régime d'internat. À l'ETB Boubanza, par exemple, il y avait 1449 élèves, alors que la capacité d'accueil est de 1000 élèves. Au lycée Boubanza, l'école comptait 1069 élèves, alors qu'elle ne devrait pas dépasser 700 élèves. À l'Itabu Gihanga, il y avait 578 élèves, alors que la capacité d'accueil est 100 élèves selon le même rapport. Space Caritas Kabanyana, Boubanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page société à présent à 13h passées de 3 minutes. La couture est l'un des métiers qui font vivre les familles dans la province de Ruyigi. Une des femmes qui pratique ce métier témoigne qu'elle parvient à faire vivre sa famille grâce aux revenus issus de la couture uniquement et conseille les autres à apprendre ce métier. Jean-Claude Nshimiliman. Rachel Ninina Hazwe est l'une des femmes couturières de la ville de Ruyigi. Elle exerce ses activités dans deux endroits, à 100 maisons d'habitation et au marché de Ruyigi. Au marché, elle coud en se servant de la machine à pédale et accueille les clients à partir de 10h jusqu'à 18h. À sa résidence, où elle exerce ses activités le matin et le soir, elle fait la broderie, la coupe de tissu et le repassage. Cette femme de 46 ans dit avoir commencé ce métier dans les années 1990 et nous parle de ses clients favoris. C'est en 1993 que j'ai commencé le métier, mais je l'avais appris à 12 ans. J'ai aimé coudre les vêtements des femmes parce que de par leur habitude, elles se font coudre 3 à 4 vêtements par an. Je couds pour les femmes et les filles uniquement, je ne couds pas pour les hommes. Cette femme est couturière qui elle seule fait vivre une famille de cet enfant dit que l'argent utilisé pour satisfaire aux besoins de cette famille provient de la couture. C'est grâce à ce métier que je parviens à survivre depuis que j'ai fondé le foyer. Les besoins des enfants, notamment les frais de scolarité, se vêtir et se nourrir pour toute la famille, sont satisfaits grâce aux revenus issus de la couture uniquement. En plus, elle fait savoir qu'elle a construit deux maisons grâce à ce métier. J'ai vécu dans des maisons de location et j'ai pensé que je pouvais manquer le loyer en cas de maladie. J'ai alors épargné pour construire une petite maison, ce qui fut réalisé. Par après, j'ai envisagé me faire construire une vaste maison. J'ai alors acheté notre parcelle et j'ai fait les travaux de construction jusqu'à ce que je déménage vers cette nouvelle maison. Didas Vokiro, commerçant opérant à côté de l'atelier de couture de Rachel Ninina Hazwe, parle de l'intérêt de ce métier pour la famille de cette femme. Je trouve que la couture est très utile pour elle. Elle ne s'occupe que de son métier, reçoit beaucoup de commandes de vêtements des femmes et mène une bonne vie grâce à la couture. Les deux, Didas Vokiro et cette couturière Rachel Ninina Hazwe, conseillent les autres à essayer ce métier qui n'exige pas de grands capitaux, mais qui pourtant fait vivre des familles. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Claude Nshimirimana. Le culte religieux a été suspendu à l'église Uepebu de Mugara en commune et province Rumonge ce dimanche. Le chef de secteur Mugara, qui a pris cette mesure après consultation avec l'autorité provinciale, indique que c'est une décision prise pour prévenir les affrontements au sein des fidèles de cette église opposée sur le leadership de cette église et une tension intérieure ce dimanche matin. Jean-Pierre Misago. Après une tentative de conciliation de deux parties en conflit de leadership à cette église de Mugara, du ressort de l'Union des églises de Pentecôte au Burundi, une tentative qui a échoué, Ananias Ruchinango, chef de secteur Mugara, appuyé par la police de la place et après avoir consulté l'autorité provinciale, est entrée dans cette église et a annoncé aux chrétiens présents que le culte dans cette église était suspendu jusqu'à nouvel ordre. Selon son chef collinaire, c'est une mesure prise dans l'optique d'éviter des affrontements au sein de cette église dont le leadership est disputé par deux parties, une soutenue par la représentation nationale de cette union des églises de Pentecôte, qui avait fait d'ailleurs le déplacement à Mugara ce dimanche et qui était à l'intérieur de l'église, une autre soutenue par les chrétiens de Mugara et qui était à l'extérieur. Selon le langage entretenu par cette émission venue de Bujumbura, ce conflit a pris une allure politique, ce qui a indisposé les chrétiens qui se sont exprimés, exigeant seulement la prière. Il s'agit d'une affaire pendante devant la justice, selon certains chrétiens de la place interrogée. Jean-Pierre Misago depuis Mugara, Radio Isanganiro. Merci aussi à Jean-Pierre Misago. Page transport, certains chauffeurs augmentent ces derniers jours de 1 000 à 4 000 francs le ticket de transport vers l'intérieur du pays. Au parking où se trouvons près du marché de Côte-Évou, où la radio Isanganiro a passé l'avant-midi de ce dimanche, ces chauffeurs et certains des convoyeurs disent qu'avec la rentrée scolaire, les passagers deviennent nombreux alors que les véhicules de transport rémunérés sont peu. Ce moment où le ministère du Transport avait récemment sorti un communiqué mettant en garde tout chauffeur qui s'arroge le droit de demander plus d'argent que prévu par la loi. Reportage et Gertrude Maunay. Au parking se trouva près du marché Côte-Évou à mairie de Bujumbura, le ticket de transport de Bujumbura vers Bukeye en province Muramvya est de 6 000 francs bou, de même pour Bujumbura vers Bugarama. Ce prix est payé par ceux qui se déplacent à bord des véhicules du type Probox et certains des chauffeurs et convoyeurs qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros disent que c'est une habitude d'augmenter le ticket de transport vers l'intérieur du pays, à chaque fois à la veille de la rentrée scolaire, à cause du grand nombre de passagers. La situation n'est pas la même pour les véhicules du type EIAS, comme on l'a constaté. Par exemple, le ticket pour ce type de véhicule de Bujumbura vers Gitega est de 6 500 francs bou, de même de Bujumbura vers Kayanza, une somme qui n'est pas loin de celle fixée par le ministère ayant le transport dans ses attributions. Pour le même tronçon avec les véhicules du type Probox, le ticket de transport varie entre 10 000 francs et 12 000 francs bou. Les passagers disent ne pas avoir d'autre choix que payer l'argent demandé parce que leur objectif est d'arriver à destination. La situation se présente ainsi au moment où le ministère avait sorti récemment un communiqué dans lequel il menace de retirer les permis de conduire aux chauffeurs en cas de non-respect du ticket officiel. Merci à toi aussi Gertrude. À 13h passées de 10 minutes, ainsi s'achève ce journal. Et merci à vous tous qui nous avez prêté oreille attentive. Et merci aussi à Audrine Ndaikeje pour sa parfaite collaboration technique. Bon dimanche à tous.